Bonjour, bonjour. Allô? Allô, allô? Allô? ...57 rue de Varennes, de François Perrache. Deuxième saison, partage de minuit. Les puissants sont souvent des ratés du bonheur. De là vient qu'ils ne soient pas tendres. Non, Patricia. Je ne vais pas mettre un membre de mon cabinet sur écoute uniquement parce que tu le trouves antipathique. Il n'est pas antipathique, il est incompétent. Je reconnais qu'il n'a pas inventé la machine à cambrer les bananes. Mais ça fait à peine 3 mois qu'il nous a rejoints. Laisse-lui le temps. En 3 mois, il a déjà fait plus de dégâts que son prédécesseur en 1 an et demi. Il vaut mieux arracher la mauvaise herbe avant qu'elle prenne racine. Je ne fais pas du jardinage, Christian. C'est le président qui m'a demandé de le prendre. Tant de précautions affaiblissent votre règne. Bérénice ? Oui, Tadicus. Tu ne peux pas composer un cabinet uniquement pour faire plaisir aux uns et aux autres. Je t'interdis de le mettre sur écoute, c'est clair ? Ok, on va pas le brancher tout de suite. Ni tout de suite, ni plus tard. Je n'ai aucune raison de ne pas lui faire confiance. La confiance n'exclut pas le contrôle. C'est pas un alexandrin, ça c'est du Racine ? Presque, Lénine. Je vais quand même faire jeter un œil au fadet de ton petit protégé depuis notre entretien avec le colonel Michel. Ce n'est pas mon petit protégé. N'en fais pas une affaire personnelle. À mon avis, tu fais fausse route. Mais je te promets sa tête si tu trouves quoi que ce soit. 57 rue de Varennes. 7e épisode. Écoutez, mes amis. Écoutez. Les pas pressés et la respiration haletante d'une périgourdine dans les couloirs de l'hôtel Matignon à Paris. C'est Armelle, la secrétaire du Premier ministre. Depuis l'aube, la pauvre petite court, chargée comme une négresse d'un bureau à l'autre, car c'est présentement l'effervescence à Matignon. Pour réagir à une série de défaites électorales lors de législatives partielles, le Premier ministre Gerland a décidé de reprendre l'initiative politique. Il veut lancer la rumeur d'un remaniement et annoncer une vague sans précédent d'économie budgétaire. Qu'on a déjà économisé sur les 2 premiers exercices, on n'a aucune chance d'y arriver d'ici la fin du quinquennat. Ça, je le sais déjà, merci. Mais ton boulot, Valérie, c'est de me dire jusqu'où on peut aller dans le miracle budgétaire. Jusqu'à 60 milliards d'économies, on sait faire. C'est en gros le scénario qu'on était en train de mettre en place avec l'Élysée. Suppression de quelques niches, les déremboursements sécu, baisse des investissements, vente des participations non stratégiques. C'est tendu, mais ça passe. Entre 60 et 80 milliards, on entre en terra incognita. Ça veut dire qu'il faudra en plus arbitrer entre gel des recrutements et du point d'indice des fonctionnaires, baisse des prestations sociales et gel, voire baisse des retraites. Ou un mix des 3. Et au-delà de 80 ? Je suis dessus, là. On est en train de faire des estimations. À la SERP. Parce que normalement, ce genre de chiffrage, ça prend 3 mois avec 40 inspecteurs des finances. Mais de toute façon, ça devient de la politique fiction. Mais ça donne quoi ? Fais-moi rêver. Ben, pour aller au-delà de 80 milliards sur 5 ans, on n'a pas trop le choix. C'est suppression de 5 à 10% des effectifs de la fonction publique, y compris les ministères sanctuarisés pendant la campagne, privatisation en série pour faire rentrer du cash, baisse généralisée des prestations sociales et des pensions... Excusez-moi. Oui, pardon, Armelle. Qu'est-ce que tu veux ? Excuse-moi, je t'apporte juste les documents que M. Perron-Chevalier m'a demandé de t'imprimer. Ah, parfait, merci beaucoup. Donc, Valérie, je t'ai sorti 6 exemplaires. Il y a tout, normalement, sauf certains bleus budgétaires que j'ai pas réussi à télécharger. Je te les apporte dès que je les ai. Merci, t'as qu'à tout poser là. Non, l'autre table, si tu trouves de la place. Je fais le dispatch, merci. Et t'embête pas pour les bleus, Armelle. On peut faire sans. Ah, entendu. Une seconde, Armelle. Pierre-Yves, il a fini sa réunion ? Je ne pense pas, monsieur. Je viens de son bureau et ils étaient encore en pleine discussion avec Laurence et Hakim. Ok. Alors, dites-lui que je finis le point budgétaire avec Valérie, que je les rejoins. Vous pouvez aussi donner le parapheur à Pierre-Yves ? J'ai relu, c'est très bien. Il faut qu'il signe les 4 courriers immédiatement, que ça parte dans la foulée. Oui, monsieur. Merci, Armelle. Donc, on en était où, Valérie ? En gros, le 80 milliards, c'est 200 000 personnes en plus dans la rue pour chaque milliard économisé. Je dirais plutôt la classe civile. Oui, salut, c'est Armelle. Pardon de te demander ça au dernier moment, mais est-ce que tu pourrais me mettre à dispo des coursiers, là ? Bah, tout de suite, en fait. J'ai 4 courriers qui partent à la signature du PM et ça urge, comme d'habitude. Oui, et tu pourrais m'en mettre deux? Deux motos? Ah, super, super, génial, merci, merci. Excuse-moi, je dois te laisser, j'ai mon autre téléphone. Ouais, merci encore, hein, je te laisse, hein. Ciao. Oui, allô? Bonjour madame, c'est moi-même. Ah, merci de me rappeler. Je suis l'assistante de Monsieur Gerland. C'était pour confirmer avec vous la venue de Monsieur le Premier ministre ce soir. Il sera à l'heure, bien sûr, mais pour des raisons de sécurité, il n'arrivera à la Comédie Française qu'au dernier moment, vers 19h50 ou 55. Parfait. C'est ça, trois places en tout avec Madame Gerland et l'officier de sécurité. Vous voulez placer à côté de la ministre de la Culture, c'est possible? Tout à fait, dispositif habituel, juste une équipe cynophile qui passera dans l'après-midi pour inspecter la salle. Sinon, rien de particulier. Parfait. Parfait. Eh bien, merci beaucoup. Très bien. Oui. Merci. Oui, merci. Merci de votre appel, madame. C'est nous qui vous remercions. Au revoir. Au revoir, madame. Au revoir. Excusez-moi, Monsieur Perron-Chevalier vous fait dire qu'il finit sa réunion budgétaire et qu'il vous rejoint. Et il vous demande de bien vouloir signer ça. Ça peut pas attendre. Il a relu, au moins. Oui. Pierre-Yves, tu vas faire des consultations dans le dos de l'Élysée. Pas des consultations, Laurence. On s'emballe pas. Je vous rappelle que le but du jeu, c'est seulement de tous leur faire un peu peur et de les occuper. Une signature ici, s'il vous plaît. J'ai absolument pas l'intention de remanier ce gouvernement. Je veux juste faire flipper Mercadal. Qu'il comprenne que personne n'est irremplaçable et qu'il n'est pas certain de rester à Beauvau. Je reçois un gars ou deux à Matignon pour parler sécurité, je leur fais miroiter le ministère de l'Intérieur et je les laisse réagir. Ouais, comment tu leur expliques que tu viens à Mercadal? Mais je ne le vire surtout pas. Ici, s'il vous plaît. Je laisse entendre que Mercadal pourrait prendre du galon. Les finances? Par exemple. Ici aussi, s'il vous plaît. Mercadal à Bercy à la place de Joyaux. Et Joyaux, il deviendrait quoi? Il jarte. C'est très bien qu'on laisse entendre que certains pourraient sauter. Et Joyaux, il a suffisamment merdé avec son affaire d'appart de fonction. On est bien d'accord. C'est même incroyable que tu l'aies pas déjà viré. En Allemagne, il serait pas resté 24 heures. Et si on devait virer tous ceux qui ont affaire au Basque, on pourrait faire le conseil des ministres dans la guérite qui est dans l'Élysée. Arrête avec ça, Hakim. C'est avec ce genre de remarques qu'on fait le lit de cette connasse de Nadine Bousquet. Une dernière signature ici, s'il vous plaît. Je te rappelle qu'il n'y a eu aucune mise en examen dans mon équipe depuis que je suis à Matignon. Bon, Pierre-Yves, on peut rigoler. Et puis, pas à moi le discours sur l'éthique politique. Merci, monsieur. Merci, Armel. Bien, messieurs, on peut revenir à nos moutons? Je résume. Il nous faut donc un candidat crédible, ou une candidate, merci pour elle, pour prendre la place de Mercadal à l'intérieur. On est bien d'accord? Oui, il me faudrait idéalement un type avec une expérience ministérielle. Ou une femme. Bon, quelqu'un. Un député, par exemple. Qui s'y connaisse quand même vaguement sur la sécurité, et qui puisse croire qu'on lui propose le poste. Mais qui ne vienne pas m'emmerder quand on lui dira qu'on ne le prend pas. Il nous faudrait un crétin ambitieux. Pelletier. Pelletier. Excellent. Excellent. Un emmerdeur mégalo. Et assez proche de Mercadal, ça les mettra en porte-à-faux. Parfait. Tu reçois Pelletier ici, une demi-heure, pas plus, de manière ostensiblement discrète. Rien dans l'agenda officiel, évidemment. Et il ne pourra pas s'empêcher de parler. Si tu reçois Pelletier à Matignon, tout Paris sera au courant le lendemain. Ah, surtout si tu lui demandes de se taire. Alors je le reçois aujourd'hui. Non, aujourd'hui c'est un peu précipité. Aujourd'hui, cet après-midi. Hakim, tu t'en occupes. Tu m'organises ça, s'il te plaît. Ah, Christian. Pardon, je finis seul, premier chiffrage avec Valérie. Armel, t'as filé les courriers? Ouais, merci, je viens de les signer. Ton plan d'économie de 100 milliards, c'est impossible, Pierre-Yves. Ah, mais on s'en fout, c'est pas pour le mettre en œuvre, de toute façon, c'est juste pour l'annoncer. Ah, c'est bien une remarque de communicant, ça. Qui va se fader les lettres de cadrage pour 17 ministères? Et le bureau des pleurs, derrière? Mais Christian, ils seront tellement contents à la commission de voir qu'on repasse sous les 3%. Qu'est-ce que tu veux? Sartre ne voulait pas désespérer Billancourt, nous, on en est à vouloir ne pas braquer Bruxelles. Et les mêmes qui réclament des économies descendront dans la rue l'année suivante pour la défense des emplois et des services publics. Et vous, vous en êtes où de vos conciliabules pendant que je fais des tours de passe-passe budgétaire? Je crois qu'on a trouvé le candidat idéal. Hakim va l'appeler tout de suite, je le vois cet après-midi. Qui vous avez pensé? Et moi, je veux bien l'appeler, Pierre-Yves. Mais qui? Mais ça aurait plus de poids, il serait beaucoup plus flatté si c'était Christian qui l'appelait directement. Tu vois, c'est quand même ton dire-cab. Mais qui j'appelle? Pelletier. Ah ouais? Ah, quand même. Pelletier. Remarque, pourquoi pas, au point où on en est. Pelletier? Pelletier. Mais brillant comme idée. Mercadal va être furibard. Tout va trop vite chez les Blancs. Surtout dans cet épisode. J'espère que vous n'êtes pas perdus, mes amis, par tous ces nouveaux noms. ne cherchez pas à tous les retenir, sauf peut-être à celui de ce dernier personnage qui pourrait bien jouer un rôle important dans la suite de nos aventures. Dominique Pelletier. Tu connais la blague sur Charles Martel ? Non. Il a arrêté les Arabes en 732, mais ils sont revenus en 504. Et celle de De Gaulle qui va au théâtre avec Pompidou. Non ? C'est De Gaulle qui va au théâtre avec Pompidou. À l'entracte, il se retrouve côte à côte devant un urinoir. Pompidou est un peu gêné. Alors, pour meubler, il dit « Belle pièce, mon général. » Et De Gaulle lui répond « Pompidou, regardez devant vous !» Mais reprenons sans plus attendre notre récit. Quelques heures après la conversation précédente, nous retrouvons notre héros, le Premier ministre Gerland, profitant d'un rare moment de détente lors d'une représentation de théâtre. C'est un spectacle que les vieux blancs affectionnent particulièrement. Le soir venu, ils se réunissent en silence dans l'obscurité pour écouter les griots invoquer les dieux. Souviens-toi. Souviens-toi du signe. Et le mien, ce n'est pas de 20 cheveux dans la tempête et le petit mouchoir un moment, mais tout voile dissipé, moi-même, la forte flamme fulminante, le grand mâle dans la gloire de Dieu, l'homme dans la splendeur de l'août, l'esprit vainqueur dans la transfiguration de midi. Ne me touchez pas. Vous me touchez pas. Vous savez qui je suis ? Monsieur, la loi est la même pour tout le monde. Vous nous suivez, s'il vous plaît. La loi, c'est moi qui l'ai faite. Vous voyez cette carte ? Bleu, blanc, rouge. Vous comprenez ce que ça veut dire. Allez, on vous remarque. Ouais. Non, votre... Mais... votre carrière est foutue, mon petit gars. Oui. Terminé. Tiens, vous êtes mort. Allez. Tu es visible ? Pierre-Yves, incroyable! Je t'ai aperçu au salut, mais je pensais pas que tu viendrais jusqu'ici. Viens là que je t'embrasse, ma belle. Je te préviens, je suis encore toute transpirante. Je colle. Oh, tu colles, mais parce que t'es attachante. Hein, viens dans mes bras. Ah, tu es formidable. Mais vraiment, magnifique, Isée. Superbe. T'as bien progressé depuis que je t'ai donné la réplique au cons. Ce monsieur Fleuron-là et ce monsieur Purgon s'égayent bien sur votre corps. Ils ont en vous une bonne vache à lait et je voudrais bien leur demander quel mal vous avez pour vous faire tant de remèdes. Taisez-vous, ignorante. Ce n'est pas à vous à contrôler les ordonnances de la médecine. Argan de toilette. Est-ce que je pouvais être mauvais ? Non. Moi, tu parles. Je t'ai terrorisé. Après ça, je ne suis plus jamais remonté sur un plateau. Bonsoir. Viens, Mithy, entre. Pierre-Yves, je te présente Dimitri. Bonsoir. Il joue Mesa. Bah, je te remercie, je ne suis pas encore sénile, je viens de le voir pendant 2 heures. Mais c'est vrai que comme ça, avec des vêtements, on vous reconnaît moins bien que sur scène. Dans Mesa, vous étiez... Quel texte magnifique. Ah, merci. Je vous entendais à l'instant, je ne savais pas que vous aviez fait du théâtre aussi. Bah, dans mon métier, on est tous un peu comédiens, c'est seulement la pièce qui est mal écrite. Hervé, il est pas là. Mais... il est sous la douche. Ouais. Bon, bah Martina, tu le féliciteras pour moi alors. Tu lui diras de ma part. On a Malric, il est touchant, drôle, violent, pathétique et méconnaissable, hein, cette barbe incroyable. En passant, heureusement qu'Hervé m'a envoyé des invites parce que si je devais compter sur toi... Ah, oh, j'ai pas osé. Oui, c'est ça, tu m'as oublié surtout. Depuis que madame est passée sociétaire, hein, c'est bien la peine que je défende vos budgets. Je vais dire à Virginie de vous couper les vivres, tiens. Ah, tu veux pas attendre Hervé 2 minutes et après on va boire un verre tous ensemble? Non, tu plaisantes, hein. C'est déjà miraculeux que j'ai pu libérer ma soirée. Virginie m'attend dans le hall, on va en profiter pour bosser un peu. Oh, dis donc, elle aurait pu venir nous saluer quand même. Le Premier ministre monte dans les loges et pas notre ministre de la Culture. Elle m'a chargé de vous féliciter. Elle était en train de discuter avec l'administrateur. Gros sous, j'imagine. Donc te plains pas, elle travaille pour vous. Bon, d'ailleurs, je te laisse, elle doit m'attendre. Je te refais la bise. Bon, ben, au revoir, Dimitri. Voilà. Et encore bravo. Merci. Au revoir. Allez, je file. Martina, je te dis pas à bientôt, malheureusement. Hein. Ben ouais. On y va, Michel. Encore bravo. La bise à Hervé, hein. Et merde pour la suite. Ouais, on prend. Merci, à bientôt. Allez, au revoir. Officier de sécu, voie escorte. On sort des loges. Contrôlez les entrées et avancez la C6. Reçu, PM. L'équipe PAPS attend dans le hall à Vierge des Machards. Les équipés sont en stand-by place Colette avec deux véhicules. Officier escorte. Reçu, GSPM. Madame Gerland est dans la voiture. Affirmatif. Madame attend dans la voiture 1. Ok, on descend. Par ici, monsieur. D'accord. Dis donc, tu pourrais frapper, Laurence. Excuse-moi, Christian, mais on a un petit imprévu. J'aime pas trop les surprises. Surtout à 23h, on veille de conseil des ministres. Pelletier. Quoi encore, Pelletier? Par ici, monsieur. Ok. Qu'est-ce que tu foutais? Ça fait 10 minutes que je t'attends. Je salue les acteurs, figure-toi. Ça se fait au théâtre. T'aurais pu rester avec moi, je me suis retrouvée comme une conne avec l'administrateur. Il est où, celui-là? Là-bas, de dos, avec les jarpes rouges, là. D'ailleurs, tu devrais aller le saluer. Ah non, non, non, non, non, non. Tiens, je me tourne. Lâche-moi. Je lui ferai envoyer un petit mot pour le remercier, puis basta. Mais toi, il faut que tu sortes au théâtre tous les soirs, hein. Il faut que tu te tapes ça. Et si tu sais pas ce qu'il faut aller voir, tu demandes à Jack. Excusez-moi, monsieur, il faudrait qu'on sorte d'ici, il y a trop de monde. Oui, Michel. Tu veux prendre un verre quelque part, Virginie? Non, je suis claquée. Qu'est-ce que ça vieille, Claudel, hein, j'ai même pas compris le titre. Parfois, je me demande pourquoi on t'a nommé à la culture. Parce que le président et toi, vous êtes des vieux machos et que vous pensez qu'on est bonne qu'au secrétariat d'État ou, à la rigueur, la santé, la famille ou la culture. Arrêtez avec le MLF. D'ailleurs, mon petit doigt m'a dit que ça bouge un peu, Matignon. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il te raconte, ton petit doigt? Il paraît que t'as reçu Pelletier cet après-midi. C'est Mercadal qui va être content. Personne n'est irremplaçable. Tu peux pas te débarrasser de Pablo, surtout maintenant. Mais je n'en ai pas l'intention. Tu te fais monter en grade? Et pour moi, t'as prévu du changement? J'ai bien compris que t'étais intéressé ni par la famille ni par la culture. Les anciens combattants, ça te tente? Avec ton père qui était à l'OAS. Très drôle. Mais je te fais confiance, je sais que je serai bien traité. Tu voudrais pas te fâcher avec la patronne de la Fédération de Marseille? Ex-patronne, non? J'y ai gardé quelques contacts. Et d'ailleurs, si ça se libère, pourquoi tu ne mettrais pas moi, place Beauvau? Quoi? Une femme pour diriger les flics? Ben ça, ça aurait de la gueule. Ouais, je vois d'ici le titre de Libé. Virginie Pinchard, une vraie petite femme d'intérieur. C'est ça. En fait, t'es vraiment con. Ah, excuse-moi, mais c'est consternant d'être ministre de la Culture et de pas aimer Claudel. J'ai pas dit que j'aimais pas, c'est certainement un génie, mais des acteurs nus qui hurlent des bondieuseries pendant 2 heures, ça m'échappe. Je comprends même pas le titre, je te dis. Il ne faut pas comprendre, mon pauvre monsieur, il faut perdre connaissance. Hein? C'est dans la pièce. Ah bon? Je devais dormir. Et donc, ça veut dire quoi, le partage de midi? C'est partage de midi. Ouais, c'est ce que je dis. Non, tu dis le partage de midi, c'est partage de midi. Tu vas pas t'y mettre? Franchement, ça t'a plu? Et puis cette mode aussi de foutre les mecs à poil pour faire moderne, tout ça parce que c'est son mignon. Qui? Celui qui fait Mesa, là. C'est le mec de ta copine Martina. Le Dimitri, tu te plaisantes. Hein. Non, c'est l'administrateur qui me l'a dit. Toute la troupe le déteste. C'est pas possible. Mais il a quel âge? 15 ans de moins qu'elle, bah, elle s'est fait plaisir, hein, non? Il est super bien gaulé. Ah oui, ça, on le voit sous toutes les coutures, si j'ose dire. Et puis au troisième rang, en plein milieu, on avait son machin qui nous pendouillait sous le nez pendant tout le cantique. Tu admettras que c'était un peu difficile de se concentrer sur le texte. C'est son mec. Oh, j'en reviens pas. Bah, dommage pour lui que le talent soit pas sexuellement transmissible. Hein. Merde, j'ai été super froid avec lui dans les loges. Bon, il était tellement mauvais. Ah, tu pouvais pas deviner que c'était son mec. Bon, l'essentiel au théâtre, c'est quand même de savoir qui couche avec qui. Monsieur, on a un problème. Je vais vous demander de me suivre. Qu'est-ce qui se passe? Des journalistes à l'entrée, beaucoup de journalistes, et ça commence à attirer les badauds. Oh. Vous me suivez, s'il vous plaît, maintenant. Oh. Madame Pinchard, viens avec nous. GSPM, as-tu véhicule d'escorte? Exfiltration. Je répète, exfiltration. On sort le patron et Madame Pinchard par l'arrière du théâtre. Voiture 2, vous simulez une préparation de sortie avec l'équipe B au niveau de l'entrée principale, place Colette. Et voiture 1, vous venez nous prendre, sans escorte, côté rue Montpensier. Non, mais des journalistes à cette heure-là, mais qu'est-ce qu'ils veulent, bordel? Ton analyse de Claudel, sans doute. Oh, très drôle. On attend la voiture ici, s'il vous plaît. Dès qu'elle est là, vous montez tous les deux. Droit à la voiture, je passe devant. On y va. Monsieur Gerland, c'est le petit journal. Juste une petite question. Est-ce que vous confirmez les rumeurs concernant l'arrestation de... Dégage, on dégage. Votre GSPM, tour de Palais Royal... Une arrestation? Mais quoi? Bonsoir Virginie. Salut Isabelle, désolée de cette entrée fracassante. Mais qu'est-ce qui se passe, bon Dieu? Pardon, on est un peu serré, je te fais pas la bise. Non. Bon Dieu, mais pourquoi je suis jamais au courant de rien? Parce que ton portable est éteint, Pierre-Yves. Ah, Oui, merde, saloperie de théâtre. Bah vas-y, raconte, Isa, pendant que je le rallume. J'étais en train de lire l'info sur Mediapart, justement. Le titre est pas mal trouvé. C'est mauvaise passe. Selon une source policière anonyme, le député Dominique Pelletier aurait été interpellé mardi soir vers 21h30 au bois de Boulogne. Quoi ? Au cours d'une banale opération de police, en présence d'une prostituée roumaine mineure. Putain. Hein, c'est le mot. Hein. D'une prostituée roumaine mineure, délit passible de 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Ça m'étonnerait. L'immunité parlementaire, c'est pas fait pour les chiens. Monsieur Pelletier aurait insulté et menacé les policiers, ce qui pourrait lui valoir d'être poursuivi pour outrage à agent. Eh merde. Vous avez 17 nouveaux messages. Mardi 8 mars à 23h32. Bonsoir, monsieur le Premier ministre. Message de la Le président s'est montré quelque peu irrité des péripéties de notre ami Pelletier, que vous auriez reçu aujourd'hui même à Matignon, paraît-il. Chargé de vous convier à une petite réunion de cadrage demain matin avant le conseil. Je propose donc un rendez-vous dans son bureau à 9h. Merci de confirmer auprès de la permanence. Je vous souhaite malgré tout une bonne soirée. À demain, monsieur le Premier ministre. Et merde. À suivre. Rue de Varenne, de François Perrache. Septième épisode. Hervé Pierre, Chris Nyanguna, Gilles David, Emeline Bayard, Yannick Choira, Anne Cantino, Vincent Nemeth, Aline Lebert, Gilles Privat, Loïc Corbery, Florence Viala, Irène Jacob, Luce Mouchel, Grégoire Osterman, Pierre Carbonnier, Adrien Michaud, Olivier Chauvel, Adina Cartiano, Jean-Christophe Fraîche, Thomas Gourdi, Bruno De Green, Lucas Enaf et Delphine Léonard. Bruitage, Elodie Fiat et Sophie Bissante. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Chaleureux remerciements à la SACD, Société des auteurs et compositeurs dramatiques, pour leur accueil amical. Prise de son, montage et mixage, Stéphane Desmond et Émilie Couette. Assistante à la réalisation, Yaël Mandelbaum. Réalisation, Cédric Ossier. It's bad, you know. She asked me why. I just went on and told her.